Ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie. Le satin rose de ta peau que je caresse avec des mots. C'est un baiser un peu futile dans un tendre matin d'avril. C'est une bouteille à la mer, une oasis dans le désert. Une chanson, c'est trois fois rien. Une chanson, c'est du champagne, un frisson. Une chanson, une chanson. À quoi ça sert une chanson? Ça dure à peine une saison. Une chanson, ce n'est qu'un point dans l'infini, un petit bout de mélodie que l'on invente sur un piano et qu'on habille avec des mots. C'est un prénom sur une page, un jour, un mois, juste une image. Et dans le fleuve d'aujourd'hui, c'est sûrement toute ma vie. Une chanson, c'est trois fois rien. Une chanson, c'est du champagne, un frisson. Une chanson, une chanson, c'est peu de choses une chanson. Mais dis-moi ce que nous ferions s'il n'y avait plus de chanson. Une chanson, c'est trois fois rien une chanson. C'est du champagne un frisson. Une chanson, une chanson, c'est peu de choses une chanson. Mais dis-moi ce que nous ferions s'il n'y avait plus de chansons.